Vers le milieu de la semaine, le temps changea. Le soleil revint, accompagné d'un froid sec et d'un petit vent pénétrant. Dans la lutte inégale que Pascal menait contre Lucien Lestrade, ce dernier avait fini par avoir gain de cause, retournant la terre des massifs à sa guise et plantant ses bulbes où il le désirait. Un samedi de la mi-novembre, il déclara son travail terminé, sans toutefois rendre la clé de la petite porte qu'il prétendit avoir égarée. Pas dupe, Pascal se résigna d'avance à le voir réapparaître au printemps. Mais d'ici là, elle aurait enfin la paix à Pérol. Or cette paix, elle en avait un besoin crucial. Fatiguée par ses incessantes prises de bec avec Nadine Clément à Purpan, et très inquiète à l'idée des fêtes de Noël qui approchaient. Elle avait invité son père et son frère, sans obtenir encore de réponse définitive, comme s'ils répugnaient l'un et l'autre à passer 2 jours à Pérol. Pourtant, ils avaient envie de se réunir, comme chaque année, et Pascal refusait tout net d'aller à Saint-Germain. Réveillonné dans une vraie maison, avec un grand feu de cheminée et de la neige sur la pelouse, lui semblait beaucoup plus agréable que se cloîtrer dans un appartement. De plus, elle voulait absolument profiter de la présence de son père pour avoir avec lui la conversation qu'elle repoussait depuis trop longtemps et qui se révélait impossible par téléphone. Certains soirs, avant de s'endormir, elle se répétait une liste de questions précises à formuler, avec tact, mais qui toutes signifieraient « Pourquoi m'as-tu menti ?» Avec l'arrivée imminente de l'hiver et les jours trop courts, la route pour Toulouse s'effectuait de nuit, matin et soir. Pascal et Aurore tentaient de faire coïncider leur emploi du temps sans grand succès, et se retrouvaient souvent seuls au volant. Comme prévu, la lassitude des trajets se faisait sentir, contraignant Pascal à s'interroger sur son avenir. Était-il raisonnable d'accumuler autant de kilomètres à longueur d'année, surtout pour travailler sous les ordres d'un patron tel que Nadine? Dans ses rares moments de liberté, Pascal avait cherché en vain la trace de Raoul Coste. Soit elle n'était pas douée pour mener une enquête policière, soit elle n'avait pas eu de chance. Mais parmi tous les Costes contactés, aucun ne connaissait de Raoul. Découragée, elle ne perdait pourtant pas de vue son objectif. Et d'une manière ou d'une autre, elle apprendrait un jour la vérité sur Julia sans souci. Le premier vendredi de décembre, à peine arrivée dans le service, une secrétaire lui remit une note émanant du directeur de l'hôpital. Signée de sa main et rédigée avec beaucoup de courtoisie, il s'agissait néanmoins d'une convocation. « Villeneuve veut me voir dans son bureau à 11h », glissa-t-elle à Aurore au moment de la pause. « Tu crois que c'est mauvais signe ?»« La peau de vache a encore dû trouver une bonne raison de se plaindre. » Pascal avait conservé l'habitude de venir boire son café dans le local des infirmières, dont Aurore ferma soigneusement la porte. « Je dîne avec Georges ce soir », annonça-t-elle, les yeux brillants. « Encore ? C'est magnifique !»« Nous ne sommes pas encore arrivés aux choses sérieuses, mais j'adore sa compagnie. Il est d'une gentillesse rare. » « Rare ? Il y a plein de gens gentils, heureusement. Jusque-là, je n'en ai pas rencontré tant que ça. Je voudrais rester discrète, tu connais les mauvaises langues du service. Mieux valait garder sa vie privée secrète, si on ne voulait pas alimenter les conversations de l'étage. J'espère que ton rendez-vous va bien se passer », ajouta Aurore en détaillant Pascal de la tête aux pieds. Dans leur bavardage, elles avaient évoqué une ou deux fois Laurent Villeneuve, et Pascal ne s'était pas caché de l'attirance qu'elle éprouvait pour lui. « Je préfère le voir à l'aéroclub. Dans son bureau, il me glace, » dit-elle en riant. « Je crois que tu lui fais l'effet inverse, » répliqua Aurore, « mais n'oublie tout de même pas à qui tu as affaire. » « Aucun risque. » Pascal lui adressa un sourire entendu avant de sortir. Elle gagna le vestiaire des médecins, où elle enleva son stéthoscope, sa blouse, puis enfila sa parka sur son pull à col roulé noir. Elle devait traverser une partie de l'hôpital pour gagner le bâtiment administratif, et il faisait très froid dehors. Dans le couloir, elle rencontra l'un de ses patients, qui effectuait un test consistant à marcher pendant 10 minutes pour évaluer sa capacité respiratoire et son temps de récupération. Georges Mattei le suivait docilement, portant l'appareil qui enregistrait les données. « Bonne promenade !» lança Pascal en leur adressant un signe d'encouragement. Elle n'était pas la seule, tant s'en fallait, à réclamer des examens en tout genre. Pourquoi se priver des services d'un matériel de pointe? Si Nadine Clément préférait la médecine à l'ancienne et ne se fiait qu'à son diagnostic, c'est qu'elle appartenait à une autre génération. S'interrogeant toujours sur les raisons de sa convocation, Pascal se présenta à la secrétaire de Laurent Villeneuve qui lui désigna une double porte. « Monsieur le directeur vous attend. » Un peu tendu, Pascal pénétra dans une grande pièce claire, chaleureuse, meublée de bibliothèques de bois blond et de sièges de cuir à vannes. Laurent était à son bureau, mais il se leva pour l'accueillir. « Désolée de vous avoir adressé une note aussi impérative. C'était le seul moyen pour être sûr que Nadine Clément vous laisserait quitter son service. » Son regard bleu acier pétillant de malice, il esquissa un sourire. « Asseyez-vous, Pascal. Il y a deux choses dont je voudrais vous entretenir, rien de grave. » Elle remarqua la coupe parfaite de son costume bleu nuit, le nœud de cravate impeccablement fait. Dans son rôle de directeur, il était un peu plus distant, mais tout aussi séduisant. Il reprit sa place, chercha une enveloppe dans son tiroir et en sortit une feuille. « Vous avez adressé, il y a un certain temps, une demande de renseignement à la Caisse régionale d'assurance maladie. C'est à moi qu'ils ont envoyé la réponse. » Cloué sur son fauteuil, Pascal resta deux secondes silencieuse. Pourquoi ces satanés fonctionnaires ne lui avaient-ils pas répondu directement ? « Il ne s'agit pas d'un de vos patients, n'est-ce pas ?» ajouta Laurent d'une voix amicale. Elle secoua la tête, cherchant en hâte une explication plausible. « Toujours votre roman policier en chantier ?»« Eh bien, vous savez que j'essaie de retrouver la trace d'une personne qui... À vrai dire, c'est un peu compliqué, c'est... Il s'agit d'une certaine Julia Coste, née le 3 août 1966 à Paris. » Par-dessus son bureau, il lui tendit le courrier. Vous constaterez que cette femme est affiliée à la caisse primaire du Tarn. « Mon Dieu !» murmura Pascal. Bouleversée, elle regardait la feuille sans la voir. « Julia est vivante. J'ai une sœur quelque part et pas loin d'ici. »« Pascal, quelque chose ne va pas ?» Elle releva les yeux sur lui, saisie par l'irrésistible envie de lui raconter son histoire. « C'est une personne de ma famille, et personne n'avait jugé bon de me le dire jusqu'ici. » Je n'aurais pas dû utiliser mon statut de médecin du CHU pour obtenir ce renseignement, mais je suppose que c'était très important pour vous. Oh oui, oui. Laurent se leva, contourna son bureau et vint s'asseoir à côté d'elle. D'un geste protecteur, il lui effleura le poignet. Avez-vous envie d'en parler ? Sa sollicitude n'avait rien d'artificiel, ni de contraint. S'il existait quelqu'un à qui Pascal pouvait se confier, c'était sûrement cet homme. En quelques phrases, elle lui résuma la situation, attentive à ne pas céder à l'émotion. « Je n'ai pas encore osé aborder la question avec mon père, » conclut-elle. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il existe forcément une raison à son silence, une raison que je n'ai pas très envie de connaître. Ma mère, telle que je m'en souviens, n'aurait jamais pu abandonner un enfant. » Sourcils froncés, Laurent l'observa un moment en silence, puis lentement, il retira sa main, croisa les bras. « Allez-vous prendre contact avec cette femme ?» demanda-t-il enfin. « Bien sûr, du moins... » Une nouvelle fois, elle relut la réponse de la caisse primaire, qui ne comportait aucune indication personnelle sur Julia Coste, hormis la confirmation de son existence en tant qu'assurée sociale. « Je peux vous obtenir ses coordonnées ?» déclara Laurent d'un ton mesuré. « C'est vrai ? Ce serait fantastique. » Il lui suffirait sans doute de passer un simple coup de téléphone. Toutefois, qu'il l'ait proposé spontanément était une preuve supplémentaire de sa gentillesse. Si vous êtes tout à fait certaine de vouloir la rencontrer, à mon avis, vous devriez d'abord avoir une conversation avec votre père. Peut-être. Tout la ramenait au point de départ. Elle n'allait plus pouvoir retarder l'échéance. Laurent hocha la tête avant d'aller reprendre place derrière son bureau, comme s'il voulait soudain mettre un peu de distance entre eux. L'avait-il convoqué pour toute autre chose ? Leurs regards se croisèrent et restèrent quelques instants accrochés l'un à l'autre. « Le deuxième point que je désirais aborder avec vous est beaucoup plus... anodin. Nadine Clément ? Oui. Elle vous a vraiment prise en grippe. Mais je sais que ses plaintes sont sans fondement. Elle ne parvient pas elle-même à les justifier. Je n'ai commis aucune faute professionnelle, se défendit Pascal. Et je trouve difficile de travailler dans ces conditions. S'il y avait eu une place à Albi, je l'aurais prise volontiers, croyez-moi. Je n'ai pas été habituée à être surveillée, ni contrée systématiquement, même pendant mon internat. Dans l'attitude du professeur Clément, il y a quelque chose de très personnel, qui n'a rien à voir avec mes compétences. » Il leva la main en signe d'apaisement, pour endiguer le flot de paroles qu'elle venait de débiter d'une voix tendue. Mais elle ne s'interrompit pas pour autant. « Exercer dans un hôpital comme celui-ci est une chance, et je devrais être en train de vous remercier. Or, je n'ai qu'une envie, partir. Vous n'imaginez pas l'effet que ça me fait de voir toutes mes ordonnances contrôlées, le moindre de mes gestes critiqués. Et il y a pire. Madame Clément n'hésite pas à me faire passer pour une incapable aux yeux de mes patients. » Elle s'arrêta enfin, un peu confuse de s'être laissée aller, tandis que Laurent se mettait à sourire. « Albi vous aurait tenté ? Vraiment ?»« C'était ma première idée, oui. Mais Sam m'a dit qu'il y avait une place ici. » Le sourire de Laurent s'accentua. La jugeait-il stupide ou sans ambition pour préférer un petit hôpital à un centre hospitalier universitaire de la taille de Purpan ? Son interphone se mit à bourdonner et il y jeta un coup d'œil agacé sans répondre. « Bien, soupira-t-il, je vais vous libérer. » Elle n'en avait aucune envie et quitta son fauteuil à regret. Comme elle tenait toujours le courrier, il ajouta « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de votre affaire. » Il se leva pour la raccompagner jusqu'à la porte. La main sur la poignée, il parut hésiter. « Il y a une dernière chose. Je ne sais pas très bien de quelle manière le formuler, mais j'aimerais vous inviter à dîner un de ces jours. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est sûrement très incongru et ce sera avec plaisir. Quand ?» Elle se mordit les lèvres, embarrassée d'avoir répondu si vite. « Samedi ? Parfait, » murmura-t-elle. À présent, ils étaient aussi gênés l'un que l'autre, n'osant même plus se regarder. Et dès qu'il ouvrit, elle s'esquiva sans même penser à lui serrer la main.